Qui a déclenché les sirènes? Quelqu'un qui vient de pénétrer clandestinement dans le centre. Allons voir les écrans de contrôle. Les armes sont prêtes, on organise la rime sensée. Sortir de notre tanière, cette fois on y était forcé. Quand c'est acide, la défense est renforcée. Les forces, c'est construire des verres qu'on peut casser. Pour ici à mer, l'excrément verbal, y'en a assez. Les cafards veulent la gloire, mais sans jamais bosser. Pas le tringue, c'est pas dans le sens du poil qu'on va te brosser. Rincer le verbe, le mot, on n'a jamais cessé. Y'a surtout pas de mensonge, surtout pas très triste. Quand on écrit, on songe, donc le sujet on maîtrise. On remonte le niveau quand le hip-hop est en crise. Pute, bijoux, merco, c'est les clichés qu'on brise. Même si tu te prostitues, le ridicule te frise. Avant que nos textes arrivent chez toi, ils ont subi une analyse. Chaque phrase est étudiée pour que nos lyrics gisent. Comprends nos versets, même quand nos âmes sont grises. On organise la rime sensée. La rime qui blesse, la rime qui stresse, écrit sans cesse la vérité. On organise la rime sensée. La rime corsée, la rime pesée, analysée, bien pensée. On organise la rime sensée. La rime qui blesse, la rime qui stresse, écrit sans cesse la vérité. On organise la rime sensée. Celle qui est plus dangereuse que tous leurs crimes organisés. La rime qui blesse, la rime qui stresse, écrit sans cesse la vérité. Ouais. Provenance à l'essentiel, de l'essence dans le flow et plus de sens qu'un dico. Une feuille blanche et une encre à dico. On l'a déjà dit, restons dignes. Même si le rap crame ses ailes sous la flamme d'un zippo. C'est qu'un cesse excite, pas pour si peu. Aucun de nos textes n'a si tôt. Crime audible, nos écrits rend nos cris audibles. Et qu'ils aillent au diable s'ils croient que c'est pour des billets ou briller qu'on y a mis nos billes. À l'heure où le discours n'a plus de valeur, où l'honnête a cédé le pas au beau parleur. Orateur des temps modernes avec des militants du mot en tant que modèle. Et de l'or sur les cordes vocales, loin de vos casques et de vos calculs. Autant avoir la main mise sur un gros cactus. Nos icônes sont des poètes en baggy, des génies en basket, peu importe le gabarit, tant que t'as un MC dans ta tête. On organise la rime sensée. La rime qui blesse, la rime qui stresse, écrit sans cesse la vérité. On organise la rime sensée. La rime corsée, la rime pesée, analysée, bien pensée. On organise la rime sensée. La rime qui blesse, la rime qui stresse, écrit sans cesse la vérité. On organise la rime sensée. Celle qui est plus dangereuse que tous leurs crimes organisés. On organise la rime sensée. La rime qui blesse, la rime qui stresse, écrit sans cesse la vérité. On organise la rime sensée. La rime corsée, la rime pesée, analysée, bien pensée. On organise la rime sensée. La rime qui blesse, la rime qui stresse, écrit sans cesse la vérité. On organise la rime sensée. Celle qui est plus dangereuse que tous leurs crimes organisés. La rime qui blesse, la rime qui stresse, écrit sans cesse la vérité.